بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans cette lecture de l'explication de la risala du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah, avec les explications du Cheikh Mustafa ibn Muhammad Mubrim hafizahullah ta'ala, au sujet du verdict de l'islam, au sujet de la célébration du Mawlid, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et du fait que c'est une bid'ah, et la réfutation de ceux qui essaient de le rendre licite ou qui essaient de le permettre. Donc ça, c'est un sujet important parce que beaucoup de musulmans se posent la question sur ce sujet. Et également du fait qu'il y a beaucoup d'innovateurs, de gens de bid'ah, que ce soit parmi les soufis, parmi les ahbash, ou parmi les soufis de différents turuq et dans les différents pays musulmans, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou ailleurs, ou même dans les pays arabes. Hein, ceux parmi les gens de Bid'a qui célèbrent cette célébration, ou bien parmi les ignorants aussi, parce qu'il y en a des gens qui ne sont pas nécessairement des innovateurs, mais ils sont des ignorants parce qu'ils ignorent que ce qu'ils font est une Bid'a, hein, et ils le font avec une intention, ils pensent que c'est bien, mais à cause de leur ignorance et à cause des gens de l'égarement qui les ont séduits, qui les ont détournés de la science et de la vérité. Donc ils s'imaginent en train de faire quelque chose de bien, et même que certains d'entre eux, ils ne peuvent même pas concevoir ou imaginer comment ce genre de choses pourrait être interdite, ou comment cette chose pourrait être mauvaise. Hein? Ils disent, mais finalement, il n'y a rien de mal là-dedans. Pourquoi ce serait interdit? Pourquoi ce serait mal? Hein? C'est comme lorsque les soufis, par exemple, inventent des différentes formes de dhikr innovées et contraires à la sunna, avec des danses, avec des instruments, avec des rythmes, puis ils disent ça c'est du dhikr. Et quand tu leur dis qu'est-ce que vous faites, c'est une bid'a, ils disent mais non, c'est pas une bid'a le dhikr, c'est quelque chose qui est mentionné dans le Coran et c'est dans les hadiths, de faire le dhikr c'est une adoration, c'est bien. Oui, d'accord, c'est une adoration et c'est bien, c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, ça, il n'y a pas de doute. Mais la façon dont vous faites votre dhikr, ça, ce n'est pas un dhikr. Puisque ce n'est pas l'exemple et ce n'est pas la façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire le dhikr. Donc, si tu fais le dhikr d'une manière qui contredit ou qui est différente de la manière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui contredit l'exemple des sahaba, hein, eh bien, c'est clair que ton dhikr, il est batil, ton dhikr, il n'est pas accepté par Allah, il sera rejeté. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. C'est-à-dire, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de cette religion, cette action sera rejetée. D'accord? Et donc, on va continuer avec l'explication. Et maintenant, le Cheikh, on est toujours dans la première partie. Le Cheikh, il explique, maintenant, Cheikh Mustafa, Hafizahullah, il explique les aspects historiques, d'où est apparue, justement, cette célébration du Mawlid. Donc, il dit qu'une fois qu'on a compris les bases qu'on a mentionnées, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des paroles d'Allah, et les explications des salafs, qu'est-ce que les sahaba ont mentionné au sujet des bid'a et du fait que c'est quelque chose qui est détesté, et que c'est une forme d'égarement, eh bien, maintenant qu'on a compris ça, il faut retourner maintenant à regarder ce que les historiens ont mentionné. Et il dit, وإذا تقرر هذا وعلم أنه يكاد أن يطبق المؤرخون الذين يتكلمون علة الأحداث والتواريخ أن العبيديين الفاطميين الذين سيأتي الكلام عليهم بعد قليل هم من أحدث هذه البدعة وأحدثوا بدعا كثيرة لا يكاد يخلو منها يوم كما سأذكر أيضا بعد قليل. Donc ici le cheikh il explique que tous les historiens à peu près sont presque d'accord, tous sans exception, sur l'idée et le fait que ceux qui ont été à l'origine de la création et de l'apparition de cette bid'a, historiquement, du Mawlid, sont les gens qu'on appelle, les gens de la secte des Ubaydiyin, ou bien ceux qu'on appelle également Al-Fatimiyin. Et ces gens-là sont une secte parmi les sectes qu'on appelle les sectes en arabe Al-Batiniya. Al-Batiniya, le terme Batini, c'est ce qui vient le contraire du terme Zahir. Al-Zahir, c'est ce qui est apparent. Et Al-Batin, c'est ce qui est caché. Donc Al-Batiniya, c'est des gens qui croient que la religion a un aspect qui est apparent et un aspect caché. Et cet aspect caché, eux, ils prétendent en être les détenteurs exclusifs. C'est-à-dire qu'ils prétendent que la religion, dans la religion de l'islam, il y a un aspect apparent que les gens ordinaires connaissent, que les prophètes connaissent, que les messagers ont enseigné, et que les savants de l'islam connaissent par rapport à la charia. Sauf qu'il y a un autre côté de la religion qui a un aspect secret et caché que personne ne peut connaître, que personne ne peut savoir, excepté ceux qui ont été initiés aux enseignements secrets de leur secte. Et c'est expliqué, ou bien c'est également appelé par un autre terme en français qu'on appelle le terme de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est l'idée qu'il y a une science de la connaissance de la religion qui n'est pas héritée des prophètes ou qui n'est pas héritée des savants, et que cette science-là, elle est une connaissance mystique, une connaissance qui est révélée à des élus ou à certains individus, et puis que ces gens-là, une fois qu'ils ont cette connaissance-là, ils sont les détenteurs d'un secret. Puis c'est seulement ceux qui rentrent avec eux dans leur secte et qui sont initiés après avoir passé une cérémonie d'initiation, eh bien, à ce moment-là, on peut leur révéler certains secrets de la secte sur la compréhension et l'interprétation de la religion. Et ils n'ont pas le droit de révéler, soi-disant, ces secrets de la compréhension de la religion à personne d'autre que ceux qui sont dans leur initiation. Et ça ressemble beaucoup à ce qui est établi dans certaines sectes, que ce soit chez les soufis ou chez les druzes, les nusayriyas, chez les ismaïliyas, également chez d'autres également parmi les sectes comme Al-Qaramita et d'autres également. Donc ces sectes-là sont des sectes sans aucun doute des sectes hérétiques, et même que les ulamas ont établi à leur sujet de nombreuses fatwas, et ils les considèrent souvent même plus mécréants et plus égarés que les rafidahs, parce qu'ils prétendent souvent, ils se cachent souvent derrière le chiisme, ils se prétendent souvent être des chiites, et ils se prétendent aussi être des soufis, même qu'ils se sont réfugiés justement derrière le couvert du soufisme, justement, et c'est eux, justement, qui ont fait en sorte que le soufisme devienne une des grandes sources d'hérésie parmi les sectes d'égarement dans les pays musulmans, justement, parce que ces gens-là, ces bâtonniers, ces ésotériques, ils ont réalisé que dans le soufisme, il y avait une porte pour eux, pour justement se cacher et cacher leurs égarements. Donc ce genre d'initiation, elle existe dans ces groupes-là. Et ça ressemble un petit peu aussi à ce qui existe aussi chez les koufars, chez les chrétiens, les juifs et dans d'autres groupes également parmi les religions des Garmins. Et chez les francs-maçons, on retrouve aussi de ce genre de croyances mystiques, chez les juifs aussi, les kabbalistes, et également dans d'autres types de spiritualité, comme disons les religions grecques de l'Antiquité, et également dans les différentes religions, comme par exemple l'hindouisme et les religions égyptiennes de l'Antiquité aussi, avant l'islam, avant le christianisme, et ainsi de suite. Donc ça fait partie des exemples. Et donc ces groupes-là, c'est parmi ces groupes-là que ces croyances-là sont apparues. Et à un certain moment dans l'histoire, les Batiniyas ont réussi à prendre le pouvoir et le contrôle dans beaucoup d'entre les pays musulmans, yani le Yémen, l'Irak, yani le Hijaz, la Mecque et Médine, l'Égypte, et l'Afrique du Nord, hein, jusqu'en Algérie, la Libye, l'Égypte, tous ces pays-là, le nord de l'Afrique, c'était eux qui dirigeaient et qui contrôlaient, et ils ont, pendant un long moment, justement, imposé leurs pratiques. Et c'est à leur époque que sont apparues les bid'a de la construction des mausolées sur les tombeaux et l'adoration des tombes, et également la célébration des différentes fêtes, hein, et de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la naissance pas seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils célébraient, mais la naissance également de plein d'autres d'entre leurs imams et de leurs chouyours, et ainsi de suite. Donc c'est une porte ouverte, bien entendu, à beaucoup d'autres bid'a et beaucoup d'autres égarements. Donc le cheikh, il explique que il dit, donc là je vais lire étape par étape pour aller plus vite. Il dit que parmi les Ubaydiyya, qu'on appelle Al-Ubaydiyoun ou bien Al-Fatimiyoun, ils s'appellent Fatimiyoun, ou la dynastie des Fatimides, on les appelle Fatimides parce qu'ils prétendent descendre de Fatima, la fille de Ali, la femme de Ali, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun lien avec Fatima dans la réalité. Et c'est juste une appellation ou un nom qu'ils se sont donné pour se faire accepter des musulmans. Alors qu'en réalité, et à la base, ils n'ont aucun rapport avec Al-Fatimiyya, avec Fatima radiallahu anha. Donc il dit que ces gens-là, ils ont inventé cette bid'a-là, mais et beaucoup d'autres bid'a, et beaucoup d'autres célébrations en plus de celle-là. Il dit, il y avait presque pas un jour dans lequel il n'y avait pas une célébration dans leur secte. Et il dit, et ça c'est apparu après le 4e siècle, après les années 400, hein, entre les années 400 et 600. Et c'est là qu'on a vu apparaître les croyances et les idées de ce groupe-là. Il dit, ma bayna al-khamisa, yani min al-rabi'a ila al-sadisa. C'est ça. Donc, les années 400, 500 et 600. Hein? Subhanallah, c'est pendant cette période-là. Et qu'est-ce que j'ai mentionné par rapport à cette secte au sujet du fait qu'ils croient en des croyances ésotériques et qu'ils fêtent les célébrations du Maulid et qu'ils adorent les tombes? Ça, c'est juste certaines de leurs croyances, mais sinon, ils ont des croyances de kufr et de shirk et d'égarement beaucoup plus graves que ça encore, puisque en réalité, ils n'ont même pas affirmé l'existence d'Allah. Hein? Et en même temps aussi, ils ne croient pas en le paradis, ils ne croient pas en l'enfer, ils ne croient pas en les anges, ils ne croient pas en les messagers, ils ne croient pas en beaucoup des piliers de la foi, ils les ont reniés. Hein? Et ils les interprètent d'une manière ésotérique. Hein? Donc, il compare par exemple les prophètes à des philosophes, par exemple. Les prophètes, c'est des philosophes. Ils vont dire par exemple que les anges, c'est des forces. Ce n'est pas des êtres qui existent réellement. C'est des choses. C'est des choses que les prophètes imaginaient à cause de leur force psychique, et ainsi de suite. Ils vont dire par exemple que, par exemple, le paradis et l'enfer, c'est des choses, des états d'âme, c'est pas des choses réelles, concrètes, qui existent en réalité. Ils ne croient pas non plus en les interdictions religieuses. Pour eux, il n'y a rien d'interdit, tout est permis. Et également, il n'y a rien d'obligatoire, hein? Il n'y a rien d'obligatoire pour eux. Et les piliers de l'islam, pour eux, ce n'est pas obligatoire. Il y a d'autres, ils ont tout interprété d'une manière ésotérique. Et l'idée derrière ça, c'est de dire que, en réalité, les messages qui ont été envoyés par les prophètes, ça, c'était pour le commun des êtres humains qui n'est pas assez évolué pour comprendre le sens qui est voulu derrière ces enseignements-là. Mais celui qui est initié et qui comprend le côté caché de la révélation, il n'a pas besoin de suivre ces règles-là. Parce que lui, il a déjà compris, il est déjà arrivé, hein, au but. Donc, il n'a pas besoin de se limiter à la révélation. Donc, il y a beaucoup d'égarements et de coffres dans leurs croyances. Et ces choses-là ont été expliquées et clarifiées dans les écrits des savants de l'islam. Donc, pour continuer avec l'explication un peu de leur histoire, il dit, après que, il dit, فَإِنَّهُ بَعْدَمَا دَخَلَ الْمَعْزِ مَعْدْ ابْنُ إِسْمَعِيلِ الْقَاهِرَةِ فِي سَنَةَ اثنتين وستين وثلاثمائة وكان ذلك في بداية حكمهم في مصر أحدثت هذه البدع ويعني أحدث الكثير منها وما قاله بعض أهل العلم من أن صاحب إربيل هو الذي أحدث هذا المولد في المئة السادسة فهذا ليس بصحيح وسيأتي التنبيه عليه أنه ليس هو من أول أو ليس هو من أول أحدث هذه البدع ولكنه أحياها وزاد في المبالغة فيها أو على حد قول أبي شامة وغيره أنه هو أو أول من أحدثها بالموصل من أرض العراق أي نعم وكانت تلك الاحتفالات وكانت تلك الاحتفالات ولكن لم تدخل الموصل إلا بعد ذلك donc il explique que Al-Ma'z Ma'd ibn Ismail quand il est entré au Caire hein, en l'an 362 c'est au début de leur contrôle de l'Égypte quand ils ont commencé à régner en Égypte. Et c'est là qu'ils ont inventé ce genre d'innovation, ce genre de bid'a, le bid'a du Mawlid. Ils ont inventé beaucoup d'autres innovations également. Et ce que certains savants ont dit, par exemple, que Irbil, c'était le premier qui a inventé le Mawlid après l'année 600, ils disent ça, c'est pas exact. Et on va mentionner un point à ce sujet-là plus tard. Que c'est pas lui le premier qui a inventé cette bid'a, mais que il l'a revivifié, il l'a fait revivre alors que c'est pas lui qui l'a inventé. Et aussi, il a ajouté des exagérations à cette célébration-là aussi. Ou comme un autre savant, Abu Shama, l'a mentionné, et d'autres également, il dit que c'est le premier qui l'a inventé ou qui l'a fait rentrer sur le territoire de l'Irak, hein, parce que il y avait ce genre de célébration qui était pratiquée, mais c'était pas encore rentré dans les différentes villes de l'Irak à ce moment-là. C'est seulement après. Il dit wa al-Miqrizi fi al-Khitat wal-Athar yadhkur kathiran min al-Bid'a wal-A'yad allati fa'alaha al-Ubaydiyun. ومنها أي من الاحتفالات التي كانوا يفعلونها كانوا يحتفلون بكل الأعياد التي على وجه الأرض فكانوا يحتفلون بأعياد المجوس والنصارى كعيد النيروز والغطاس أو الغطاس والميلاد وخميس العدس وهكذا يسمونها. ولهم في كل يوم من الأيام بدعة، وهذا موجود في تاريخ المقريزي وفي غيره من كتب التواريخ. إذا علم هذا فإن أول من أحدث هذا الأمر، يعني بغض النظر عن السنة التي أحدثت فيه، هم العبيديون، ولم يكن معروفا قبلهم، وهم بنو عبيد القداح، بنو عبيد القداح، وهم الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، ويزعمون أن نسبهم ينتهي إلى ولد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهم كما يقول عامة المؤرخين من أهل السنة وغير أهل السنة أصل بلاء الباطنية وتأسيسها. دونك الإمام الشيخ المقريزي عندي سابا il a écrit un livre qui s'appelle Al-Khitat ou Al-Khutat Wal-Athar. C'est un livre dans lequel il mentionne des questions historiques et toutes sortes de sujets. Et plusieurs ulama se réfèrent à ses écrits parce que il était sur la aqida, hein, du tawhid et de la sunna. Donc il a rapporté les éléments historiques d'une manière salafi, hein, d'une manière qui est en accord avec la sunna. Il a mentionné plusieurs innovations et plusieurs célébrations que les Ubaydiyoun célébraient à cette époque-là. Et parmi ces célébrations-là, il faisait beaucoup de bid'a, pas seulement l'Aïd al-Mawlid al-Nabawi seulement. Non, il faisait en fait toutes sortes de célébrations qu'il célébrait. Et toutes les fêtes qui existaient à cette époque-là, dans les différentes religions, eux, ils les célébraient aussi. Donc, ils célébraient les fêtes des Zoroastriens, les célébrations des chrétiens, le Nehruz, hein, Noël et tout ça, les fêtes de ces différents peuples, les fêtes des peuples des Mouchriquins, toutes les religions, ils les célébraient. C'est un petit peu comme la pratique ou la croyance des gens aujourd'hui qu'on appelle, les gens qui appellent à l'unification des religions, hein, qui appellent à dire que oui, toutes les religions sont bonnes, il faut tous s'unir, toutes les religions sont correctes, et ainsi de suite, il faut unir les religions. Donc, ces gens-là, ils avaient cette notion, hein, de célébrer toutes les croyances différentes et les différentes fêtes. Il y a des gens aujourd'hui qui ont cette idée-là aussi, hein, et qui appellent à ces idées-là aussi. Et ils avaient donc, à chaque jour, parmi les différents jours de la semaine, ils avaient des bid'ahs qu'ils célébraient. Et ça, c'est mentionné dans le livre de Al-Maqrizi et d'autres livres également parmi les livres de l'histoire. Et donc, peu importe qui, une fois qu'on sait que les premiers qui ont inventé cette bid'a, peu importe qu'on, sans tenir compte nécessairement de l'année exacte, mais du moment qu'on sait que ça a été inventé par les Ubaydiyoun, hein, et que ce n'était pas connu auparavant, eh bien ça c'est suffisant pour savoir que c'est un égarement. Et les Ubaydiyoun sont, on les appelle Ubaydiyoun, pourquoi? Parce que celui qui a propagé cette croyance-là, hein, il s'appelait Ubayd al-Qaddah. C'est pour ça qu'on les a appelés al-Ubaydiyoun. Et eux, ils s'étaient nommés eux-mêmes al-Fatimiyoun, hein, pour montrer qu'ils ont un lien, ou pour essayer de prétendre qu'ils avaient un lien de parenté avec Ali radiallahu anhu et les enfants de Ali avec Fatima radiallahu anha. Mais la majorité des historiens, parmi les gens de la Sunna, et même les historiens d'autres que Ahl Sunna, ils sont d'accord pour dire que c'est eux qui sont à la base de l'établissement de ces sectes ésotériques et de leurs égarements. Il dit « وَذَلِكَ أَنَّ جَدُّهُمْ طَيْسَانْ أَلْمَعْرُوفْ بِالْقَدَّاحْ كَانَ كَحَالًا يَكْحُلُ الْعُيُونَ ويقدح العيون يعني قالوا كان مولا لجعفر بن محمد الصادق وهو كان هوازيا وكان ممن أسس دعوة الباطنية في العراق ثم إنه رحل بعد ذلك إلى المغرب وزعم أنه أن نسبه هناك أنه نسبه هناك ينتسب إلى عقيل ابن أبي طالب ثم لما رأى تتابع الرافضة عليه وتهافتهم إليه ادعى بعد ذلك أنه من ولد محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق فقبلوا منه ذلك وتابعوه عليه وكان ممن تبعه حمدان قرمط كما يقولون النسابون كما يقوله النسابون أو يعني قرمط كما يقوله اللغويون قرمط أو قرمط وهو الذي تنسب إليه القرامطة يعني أشد أعداء الإسلام وطالت الأيام بعد الناس عن العلم وبعد الناس عن العلم وظهر من ظهر من المبتدعة واستولى العبيديون على مصر وما حولها وعلى كثير من بلاد المغرب كما لا يخفى وكما هو معروف في تاريخ هذه الأمة ووقع على الأمة البلاء والويلات بسببهم من سفك الدماء واستباحة الفروج وكانوا من أشد أعداء الدين من أشد أعداء دين الله حتى صنف فيهم الباقلاني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني البصري متكلم مشهور معروف من رؤوس الأشاعرة صنف فيهم كتابه المشهور كشف الأسرار وهتك الأستار Ok, donc pour continuer, je vais résumer ici le cheikh, qu'est-ce qu'il explique que Al-Qaddah, yani leur grand-père Taysan, qui était connu comme, par le surnom de Al-Qaddah, ils disent que c'était quelqu'un qui travaillait dans le Kuhul, ou quelque chose comme ça, puis il était le servant de Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq. Et c'est lui qui a été le fondateur de la tariqa, ou de la da'wa des batiniyas, des ésotériques en Irak. Puis il est parti de là jusqu'au nord de l'Afrique, dans le Maghreb. Et il a prétendu là-bas être descendant de Uqayl ibn Abi Talib. Puis lorsqu'il a vu des rafidah le suivre, et qu'il a vu que ils ont commencé à le suivre, alors il a prétendu être parmi les descendants de Mohammed ibn Ismail ibn Ja'far al-Sadiq. Et eux, ils ont accepté de lui et ils l'ont suivi. Et parmi les gens qui l'ont suivi également, il y avait Hamdan Qirmit. Donc il y en a des savants de généalogie qui disent qu'il s'appelait Qirmit avec la kasra, et les savants de la langue qui disent Qirmit avec une fatha. C'est lui qui était à l'origine de la secte des Qaramita, qui ont été parmi les plus grands ennemis de l'islam. Et donc, il y a eu beaucoup de. Les jours qui sont passés, et les gens étaient un peu éloignés de la science, et il y a beaucoup de bid'ah qui sont apparus. Et les Ubaydiyoun ont pris le contrôle en Égypte, et tout ce qui est aux alentours, et les pays du Maghreb, ils se sont installés là-bas. Et si vous retournez dans les livres d'histoire, vous allez entendre parler de ces gens-là. Et ça, c'est des choses qui sont connues historiquement, c'est pas un secret. Et ils ont installé dans les pays musulmans beaucoup de malheurs et beaucoup de sang a coulé à cause d'eux. Et ils se sont permis de beaucoup de viols et beaucoup d'agressions contre les musulmans. Et donc, ils sont parmi les plus grands ennemis de la religion d'Allah. Même que un des mutakallimin parmi les savants, les têtes des Asha'ira, Al-Baqilani, Al-Basri, il a écrit un livre pour les réfuter, justement, pour montrer leurs égarements, qui s'intitule « Kashf al-Asrar wa Hatk al-Astar ». « Wa qad tabayyana, qad bayyana kathirun min fada'ihihim wa qaba'ihihim, kama dhakara dhalika anhu al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ». وهذه الأمة المجرمة يعني أمة العبيديين الأمة الفاطمية الذين هم من سلالة اليهود وهم الذين أحدثوا هذه البدعة وأرادوا إفساد الدين كما أراد أسلافهم من عبد الله بن سبا وغيره إفساد الدين فيما سبق كما فعل بولس اليهودي مع النصارى وبه استنوا وعنه أخذوا فأحدثوا بدعا كثيرة وكان من كبرى هذه البدع الذي نحن بصدد الكلام عليه وهو هذه البردعة بدعة المولد. Donc il explique que beaucoup d'entre leurs scandales et leurs choses, leur perversité et leur laideur ont été clarifiées par beaucoup d'entre les savants, comme Al-Hafidh ibn Kathir, qui a mentionné justement cela à propos de ce sujet. Et donc ce groupe de criminels, les Ubaydiyoun, ou ceux qu'on appelle les Fatimides, ils sont en fait des descendants des Juifs. Et c'est eux qui ont inventé cette bid'a. Et ils ont voulu corrompre cette religion comme leur précédent, Abdullah ibn Saba, qui est à l'origine de la religion des Shia, Rafida. De même que Paul a été celui parmi les Juifs qui a voulu corrompre la religion de Jésus et qui a égaré les chrétiens. Et donc ils ont pris cet exemple et ils se sont basés sur ces exemples-là. Et ils ont inventé beaucoup d'innovations et beaucoup de bid'a dans la religion. Et parmi les grandes bid'a qu'ils ont inventées, la bid'a du Mawlid qu'on est en train d'expliquer. Il dit « Wa'ammatul mu'arrikhina »« Wa'ammatul mu'arrikhin »« Illa an-naz'ul yasir »« Mimman yu'saf ala an yakuna fihim »« Au ba'dihim mimman yunsabu ila l'ilm »« Yusahihuna nasabahum »« Wa illa » فإن عامة الأئمة وعامة المؤرخين على أن نسبهم مطعون فيه وأنهم لا ينتسبون إلى علي بن أبي طالب ولا إلى أحد أبنائه نص على هذا ابن الجوزي ابن الخلكان وأبو شامة والباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وصنفوا في هذا الكتب في هذا الكتب. Donc beaucoup d'historiens, excepté un petit nombre, disent que leur généalogie, lorsqu'ils prétendent de descendre de Ali et de Fatima radiallahu anhuma, ils disent que ça c'est totalement faux, excepté un petit nombre d'entre ceux qui prétendaient que c'était vrai. Mais bien entendu, il dit, on est désolé de savoir même que des gens de cette, on est désolé de savoir que ces gens-là prétendent même appartenir à la science ou avoir un lien avec la science. Il dit parce que la question de leur généalogie, c'est clair que Yali, elle est inexacte et incorrecte et elle est fausse lorsqu'ils prétendent descendre de cette généalogie de Ali radiallahu anhu et plusieurs savants parmi les imams de l'islam comme Ibn al-Jawzi et Ibn al-Khalikan et Abu Shama et l'imam al-Sheikh al-Baqilani et Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziya de même que l'imam Ibn Kathir ils ont tous écrit des livres pour clarifier ce sujet-là et montrer la fausseté de leurs prétentions. Et il dit « وما زال العلماء يبينون الطعن عليهم الطعن فيهم والطعن فيهم وأنهم لا يمتون إلى أهل البيت بصلة وهذا من باب بيان الحقيقة وإلا فإن الباطل باطل يرد ممن قال به ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وعلى هذا تعلم أن أول من أحدث هذه البدعة في الأمة هم من يحتفل ومن لا يحتفل يقر بأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المتبوعين ولا الفقهاء السبعة ولا أصحاب المذاهب الأربعة، بل اعترف أبو شام أنها إنما أحدثت في زمانه وإن كان ممن يستحسنها. Donc, il explique que les ulama ont toujours mentionné donc les égarements de ces gens-là et du fait qu'ils n'ont pas de lien avec Ahlul Bayt, ils n'ont pas de lien avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est uniquement dans le but de clarifier la réalité à leur sujet. Mais sinon, le faux, c'est le faux. Hein? Et on doit le rejeter, peu importe de qui il vient. Et même s'ils avaient un lien de parenté avec Ali radiallahu anhu ou bien avec Fatima radiallahu anha, eh bien ça ne pourrait pas les aider en quoi que ce soit au jour de la résurrection, puisque de toute façon leur croyance elle est fausse, et celui dont les actions sont mauvais, eh bien son lien de parenté peut pas faire quoi que ce soit pour lui au jour de la résurrection. Et donc ça, c'est uniquement pour savoir que cette bid'a, elle est apparue uniquement bien longtemps après l'époque des trois premiers siècles. Et que même ceux qui célèbrent cette bid'a, même ceux qui la célèbrent, ils sont d'accord qu'elle n'existait pas. Elle n'était pas connue à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque d'Abu Bakr, ni à l'époque de Omar, ni de Uthman, ni de Ali, ni des Sahaba, ni des Tabi'in, ni des élèves des Tabi'in, ni des imams qui ont été suivis parmi les quatre imams des Madahib, ou des Fuqaha al-Sab'a, ou des imams des Madahib, ou bien des ulama qui ont suivi parmi les premiers siècles. Et même que Abu Shama, qui fait partie de ceux qui ont considéré que c'était quelque chose de bien, parmi les bid'as qui sont bonnes, comme certains qui prétendent qu'il y a des bonnes bid'as, eh bien, même lui, il a reconnu que c'est quelque chose qui a été inventé à son époque. Donc, à l'époque des Ubaydiyoun. Donc, tout ça, c'est des preuves qui impliquent que, il ne nie pas. Et c'est pour ça qu'ils ne disent pas que ça fait partie de l'islam, de façon, catégorique, dans le sens que quand ils parlent, ils disent oui, c'est une bid'a, mais c'est une bonne bid'a. Donc ils nient pas que c'est une bid'a. Mais sauf qu'après, une fois qu'ils ont reconnu que c'était une bid'a, ils essaient de faire croire qu'il y a des bid'a qui sont acceptables ou qui sont bonnes en islam. Donc c'est la preuve que ces gens-là savent très bien que ce qu'ils font, ça vient pas du prophète, ça vient pas de l'islam, et que c'était inconnu par les musulmans des premiers siècles, parmi les meilleurs siècles de la Ummah. Ensuite, le cheikh il dit وكما قلت لك ان المقريزي ذكر جملا يعني اعيادا كثيره الا ان هذا كان من اهم الاعياد التي عندهم حتى قال المقريزي في الخطط والاثار وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنه اعياد ومواسم وهم موسم راس السنه وموسم أول العام وموسم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام ومولد فاطمة الزهراء عليهما السلام ومولد الخليفة الحاضر وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وسمات رمضان وليلة الختم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر وعيد الغدير وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وموسم فتح الخليج ويوم النيروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد ويوم العدس وأيام الركوبات إلى آخر ما ذكره المقريزي في خطابه. هذه أعيادهم التي كانوا يحتفلون بها وكأنهم أرادوا أن يوحدوا البشرية على جملة الأعياد التي كانوا عليها. Donc il dit que l'imam al-Maqriz il a mentionné certaines de leurs célébrations qu'ils fêtaient. Il n'y avait pas seulement le Maulid al-Nabawi qu'ils faisaient comme bid'a, mais beaucoup d'autres également, mais le Maulid al-Nabawi c'était une de leurs fêtes les plus importantes. Et il cite les paroles de al-Maqrizi dans al-Khitat quand il dit que les Khulafa al-Fatimiyin pendant toute l'année ils avaient des fêtes et ils avaient des périodes de festivités. Et ils avaient les festivités du début de l'an, début de l'année, comme le jour de l'an. Ils avaient des fêtes dans le mois de Ashura, les fêtes du Mawlid du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Mawlid d'Ali, le Mawlid de Al-Hassan, le Mawlid de Al-Hussein, le Mawlid de Fatima, le Mawlid du Khalifa présent. Donc ils célébraient toutes les naissances de ces gens-là. Et il y avait aussi une célébration de la première nuit du mois de Rajab et de la moitié du mois de Rajab et du début de Sha'ban et de la moitié de Sha'ban. Les nuits du Ramadan, il y avait différentes fêtes et la nuit de du Khatm, c'est-à-dire lorsqu'il termine le mois, et le Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Donc ils avaient des célébrations spéciales pour ces célébrations pendant ces jours-là. Eid al-Ghadir et d'autres Eid al-Shita, Kaswat al-Shita ou Kaswat al-Saif, Fath al-Khalij, la fête de Nayrouz des chrétiens, ils la célébraient, et la fête de Noël, la fête des Zoroastriens, Nayrouz c'est les Zoroastriens, Al-Milad c'est la naissance de Jésus. Il y en a plein d'autres fêtes comme ça qu'ils faisaient, des différentes religions même. Et donc Al-Maqriz il mentionne tout ça, puis le cheikh il dit c'est comme s'ils ont voulu essayer de réunir toutes les fêtes de l'humanité qui existaient à leur époque. Après il dit فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا فِي هَذِهِ الْبِدْعَةِ وَكَانَ أَخْذُهُمْ لَهَا مِنْ جِهَةِ النَّصَارَى كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. Donc ils disent ils ont inventé toutes ces bid'ah, puis le Mawlid al-Nabawi ils l'ont pris surtout de l'exemple des chrétiens. فَإِنَّهُمْ يَحْتَفِلُونَ بِمَا يُسَمُّونَهُ عيد الميلاد ولا يزالون يحتفلون به بل رأيت من رأيت ممن هو من أهل الجهالة ممن يقول لماذا نحن لا نحتفل والنصارى يحتفلون بنبيهم لأننا أتباع نبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن البدع وزجرنا عنها وبين ضلالتها وأنها إنما أمرنا باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وقد أفصح هذا القائل وكشف عن جهله بأنه ينادي على نفسه بالجهل والهوى حيث يقول اتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتبعوا النصارى في الاحتفال بعيد الميلاد يعني فأي ضلالة بعد هذه الضلالة. Donc, il dit qu'on sait très bien que cette bid'a vient en réalité des chrétiens qui fêtent la naissance de Jésus le jour de Noël. Il dit, j'ai vu même des ignorants qui disent, pourquoi on ne fête pas la fête de Jésus aussi, puisque finalement c'est un de nos prophètes. Et donc, il dit, pourquoi on ne fête pas, le cheikh, il dit, parce que, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'on doit suivre. Et en même temps, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de faire des innovations. Il a blâmé et interdit les innovations. Il a clarifié que c'est des égarements. Et donc, il nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna et de suivre ce que suivaient les premiers musulmans parmi les prédécesseurs de cette Ummah. Et donc, cette personne qui dit ce genre de propos, elle montre en réalité son ignorance. Et elle clarifie qu'elle est une personne qui suit l'ignorance et qu'elle suit la passion en réalité. Et qui dit... indirectement, laissez tomber le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivez les chrétiens dans leur célébration de Noël et des choses de ce genre. Donc il dit quel égarement il y a après cet égarement là. Et on va terminer avec le dernier paragraphe. Le cheikh dit wa mimma zakartuhu lakum wa ma zakartuhu lakum in kuntu aradtu عن ذكر النصوص نصوص المؤرخين وهي والحمد لله موجودة مدونة ممن سطروا التاريخ لهذه الدولة العبيدية وكتبوا التاريخ بعد القرون المفضلة من أنهم هم الذين أحدثوا بدعة المولد وأنها لم تكن معروفة في الأمة وأن من اتبعهم على هذا الأمر إما على جهل وإما موافقة لهواه وأن الصوفية إنما أخذوا هذه البدعة عن الرافضة ولم تكن هذه البدعة موجودة في أسلافهم الأولين أعني أسلاف الصوفية وإنما أخذوها أو إنما أخذها المتأخرون منهم عن الرافضة ثم بعد ذلك خصوا أنفسهم لأشياء هذه البدعة وأقاموا لها سوقها وجنوا من بعدها يعني الأموال وعليكم السلام ورحمة الله الطائلة ولم يقصروها كما لم يقصرها أسلافهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل صاحب ضريح أو مشهد يعني أو مشهد مولد وعيد يحتفلون به وعلى كل حال هذا الاحتفال يكفي في رده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا هو ولا أصحابه ولا الأئمة ولا القرون المفضلة الذين أمرنا باتباعهم وسلوك طريقهم وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي في هذا المجلس ونشرع إن شاء الله في هذه الليلة في الليلة المقبلة بالتعليق على أهم ما يحتاج إلى تعليق من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وغفر الله له في هذه الرسالة التي سيكون الكلام عليها وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il termine en disant que il dit j'ai pas mentionné tous les textes historiques des savants de l'histoire qui ont mentionné des choses à ce sujet-là. Alhamdulillah, ces livres-là sont présents et tout est écrit. Et l'histoire des Ubaydiyya, elle est mentionnée dans ces livres. Donc, celui qui veut lire, il peut s'y référer. Et c'est clair que c'est eux qui ont inventé cette bid'a du Mawlid et qu'elle n'était pas connue avant dans la Ummah. Et que, donc c'est ça, les gens les ont suivis dans ça avec ignorance. Et ils ont été d'accord avec eux à cause de leur passion. Et les soufis ont pris cette bid'a des Rafida, des Shia Rafida. Elle n'était pas présente auparavant chez les soufis. Parmi les premiers soufis en particulier, les premiers soufis ne connaissaient pas la célébration du Mawlid. Mais ils l'ont pris des Rafida, puis par la suite, ils s'en sont accaparés. Et c'est eux qui l'ont propagé par la suite. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ça. Et ils ne se sont pas limités seulement à célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils célèbrent également la naissance de toutes les tombes, de tous les cheikhs qui sont enterrés, et ils font une célébration et une fête pour chacun d'entre eux. Et donc il dit, on va s'arrêter ici pour ce qu'il y a de cette explication. Et on sait, c'est suffisant pour nous de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ni ses compagnons, ni les trois premiers siècles de la Ummah, et qu'on a été ordonné de les suivre. Et donc, il faut se limiter à ce qu'ils nous ont amenés. Et on s'arrête ici donc pour cette première partie, et on continuera dans la suite, Inch'Allah, la clarification de la risala du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim à ce sujet. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.